Tu m'as remarqué, tu parcours. Est-ce que c'est là? Oui, bébé. C'est. On va dire qu'il n'a pas sans problème. Peut-être que ça comme ma wopé. Ma wopé, ma wopé. Et puis, on m'a dit à tes pères. À tes pères. Car on nous dit que chef a dit répéter. Yeah. C'est. I can't come and kill myself. Kill myself. Make another man come drop my sweat. Drop my sweat. Demi toti pa poli pa je, poli pa je. E ba mi wo mo ti ko kiki sanje. Tori de se ale yi ale, ale koko ale. Timoti mu mo kole, Timoti mu mo kole. Omo ti ba gba mu akite o, akite o. Ti ko fa sora asese. What if it is? I can't come and kill myself.